Allez, on est à la brasserie des Cigales. C'est comme ça qu'on y est, Christine. Exactement comme ça, la brasserie des Cigales, la Buée et Baronnie. Voilà, on fait un petit peu de pub, mais je peux vous dire, c'est charmant. Tout le monde est charmant dans ce village. On va y revenir tout à l'heure avec Jean-Pierre, parce qu'on parlera un petit peu de Buée et Baronnie, de tout ce qu'on peut avoir de bon pour venir passer un très beau séjour. Juste avant, on va rester avec Didier Bougon, on est dans Focus. C'est bien sûr du sport, c'est top chrono. Vas-y Didier, dis-nous ce que tu as fait. Exactement. Je sais que Christine, tu as été 3 fois championne de France sur 5000 également. Est-ce que tu comptes encore t'investir un peu plus sur le 5000 ou c'est davantage maintenant la route et le cross? C'est compliqué la piste, depuis que je suis à Buée et Baronnie entre autres, parce que la piste la plus proche est Carpentras. Donc de chez moi, ça me fait 1 heure de route. Donc allez. Donc 2 heures aller-retour pour aller faire une séance sur piste, c'est pas mal de fatigue. Donc ouais, non, puis le chrono que j'ai fait, donc mon record c'est 15 minutes et 16 secondes que j'ai fait il y a 2 ans. Je sais l'investissement et l'énergie qu'il faut y mettre, le nombre de séances, le nombre d'entraînements, et c'est compliqué de retrouver, je pense, cet état de forme, quoi. Donc je pense qu'il faut que je me dise que c'est fini la piste, parce que moi j'ai envie d'y être performante, quoi. J'ai pas envie d'aller faire un chrono moindre, donc voilà, je me tourne, c'est pour ça entre autres que j'ai fait le 10 km d'Avignon par exemple hier, voilà, faire un peu plus des courses route, un peu plus des courses plaisir, mais plus dans une recherche de haute performance, quoi. Voilà, après hier c'est pas un chrono j'ai l'habitude de faire, ouais, mais bon, qui est quand même pas non plus, je suis pas en fin de vie non plus athlétique, donc voilà, j'essaie de trouver un mix entre perf et puis plaisir. Voilà, c'est plus de la très haute performance comme ça l'a été à une période. Maintenant je m'étais bien préparé pour les championnats de France de cross, je suis pas passé loin du podium, moi je fais 5e, mais je sais que la 3e place était accessible, si j'avais été moins prise par mon travail, ça aurait pu le faire. Donc voilà, ça devient compliqué d'allier les deux. Donc c'est pas, je le sais, quoi. Voilà, après je fais en conséquence pour m'entraîner, travailler et à moi tirer le meilleur. Ce qui me plaît dans cette, juste je te coupe les gens parce que j'étais en train de lire, de boire ces paroles, c'est qu'un sportif de haut niveau, quand il parle, quand il s'exprime, elle connaît ce qu'il faut faire pour être, on va dire, au niveau, pour faire une performance. Parce qu'elle a fait, et elle sait qu'aujourd'hui, si elle veut être performante, elle sait le travail qu'il y a à faire. Bien souvent, des petits coureurs, les hebdas qui nous écoutent ce soir, qui veulent essayer d'accrocher des chronos, disons, on court toute la semaine, et ça ne suffit pas, hein. Il faut aller manger de la piste, hein. Christine. Après, voilà, quand on prépare un objectif, il y a le côté purement sportif, donc séance, variation des parcours, des séances type, mais il y a aussi la récup à côté, il y a une hygiène de vie quasi irréprochable, quoi. C'est aussi bien au niveau de l'alimentation qu'au niveau du sommeil, au niveau de la récupération elle-même, voilà, quoi. Prendre le temps de se poser entre 2 entraînements, parce que voilà, un entraînement de haut niveau, ça comprend s'entraîner tous les jours, mais voire 2 fois par jour. Donc c'est 10 à 12 entraînements par semaine, quoi, quand je veux atteindre un objectif. Donc on comprend bien que travailler à côté, ça devient quasi impossible, quoi. Et c'est des aléas du sport de haut niveau, quoi. Être capable de faire que ça et être focus et je rejoins ces propos parce que moi quand j'étais au travail avant à Sorgue, il y en a qui me chambraient, ils me voyaient avec une bouteille d'un litre et demi le matin, l'après-midi pareil, et je faisais du bicotinien. On me disait, Didier était sec. La bouteille, il y avait quoi dedans? Il faut savoir ce que tu veux. Voilà, c'était surtout de la Volvic, et puis aussi, il y a toutes les boissons qu'on aime. Hein. Mais bon, tu es obligé d'y aller en hydratation, en plus dans la région, comparé à la banlieue parisienne où j'étais. Pour encore plus boire, c'est même pas 3 litres, hein, des fois par jour. Hein. Il faut s'envoyer, et puis, comme tu le dis, la nourriture est hyper importante. Le sommeil, c'est là où le facteur récup est vraiment important quand tu as des séances très dures. Et puis quand les objectifs, tu veux bien les définir, on ne peut pas tricher. Hein. C'est la base aussi. Non, c'est vrai que je vais pas faire. Il y a toutes les disciplines sont dures de l'athlétisme, mais c'est vrai que les disciplines comme nous, là, au niveau aérobie, hautement énergétique, ça demande vraiment une hygiène de vie irréprochable, quoi. On ne peut pas faire autrement, quoi. tout est compté, l'alimentation. Parce que on est quand même la brasserie des cigales, quoi. Ici, il faut pas s'écarter, quoi. Hein. Ouais, bon, on fait pas trop un régime de sportif ici, parce que faut aussi. Autrement, je le saurais. Non, non, mais après, là, le but, c'est de faire plaisir au palais des clients, allier une cuisine provençale avec des produits frais et de bonne qualité pour bien manger, quoi. Christelle, ça fait plaisir quand on a un établissement que quelqu'un rentre et qui dit Christelle Bardel est là, Christine Bardel est là pour faire signer un autographe. C'est ça reste toujours quelque chose, un moment je veux dire de sympathie. Ouais, bah après c'est vrai que la communauté de coureurs en France est quand même relativement grande et régulièrement il y a des coureurs qui passent par la brasserie qui sont surpris de me voir des fois derrière le comptoir, qui me reconnaissent. Donc ouais, c'est toujours agréable et puis après ça permet de parler un petit peu attelé. Alors on va parler 2 minutes juste en attendant parce que moi j'avais de parler avec Jean-Pierre, de parler de ce beau village parce que c'est sportif, la preuve en hein, est que Christine est là. Qu'est-ce que c'est qu'on pourrait vanter un petit peu parce qu'on établit le Baronnie, on a envie d'en parler. Si tu veux, sport plein nature, mais la nature, elle est vraiment intégrée au village. Et c'est vrai qu'on est capitale des plantes aromatiques et à parfum. Si on va à l'office du tourisme, une vitrine, et puis bon, on parlait du tilleul, il y a le thym, il y a le romarin, il y a toutes les plantes qui sont mises en œuvre. Moi, ce que j'ai essayé quand j'étais maire, c'était de garder l'authenticité de ce village. On ne voulait pas faire n'importe quoi, attirer des choses qui nous feraient perdre notre âme. Nous, on voulait l'authenticité. On voulait rester non pas à l'état sauvage, mais à l'état naturel. Et ça, je crois que c'est résumé un petit peu. On a eu longtemps quand même aussi les maisons du croc à Buis, les épices du croc. À quoi ça sert quand du croc, il se décartasse ça. Tu es défendeur du parc des Baronnies. Ah non, mais non seulement j'étais un parc, mais au même titre que j'étais, que je faisais partie du comité, que je suis président du comité de soutien, j'étais vice-président du parc. Hein, chargé des sports pleine nature, de la santé, de la communication. Et c'est un combat qu'on a mené pendant 7-8 ans. Et crois-moi, on s'est battu, parce qu'il y avait un peu des Hautes-Alpes et un peu de la Drôme. Et Ségolène Royal est venue il y a 2 ans, puisque c'est la ministre de l'écologie à Vinsobres. On ne pensait pas qu'elle allait nous signer la charte, parce qu'on la signe à Vinsobres. Et bien tout d'un coup, elle nous a dit, donnez-moi un crayon. Elle a signé la charte, ça voulait dire qu'on était officiellement parc. Et là, les élus, on était nombreux, on chialait. On a chanté la coupe pour ça, on s'est tous levés. Et moi, j'ai été pris d'une pulsion irrésistible. Et je me suis précipité sur le podium. Il y avait Ségolène qui était là avec Didier Guillaume, avant qui est sénateur. Il m'a dit, Jean-Pierre, ne va pas. J'y suis allé, j'ai écarté tout le monde. Je t'ai chopé la Ségolène. Je lui ai fait 3 poutous. J'ai dit à tous les noms, à tous les élus des baronnies qui se battent pour le parc, Madame la ministre, merci. Elle m'a regardé, elle savait plus ce qu'il y arrivait. Donc c'est pour te dire un petit peu, quoi. Hein. Alors vous voyez qu'ici en Provence, on dit bien souvent, les gens ressemblent à Pagnol. Mais là, c'est du pagnolesque, là, messieurs. Peut-être Didier, maintenant, revenons plutôt au sport. Bah, revenons au sport, c'est que aussi, quand tu étais maire, tu as accueilli aussi les championnats de France de trail. Ah ben, on a accueilli les championnats de France de trail. Et puis c'est vrai aussi que j'avais le plaisir de connaître beaucoup d'athlètes. Et ici, on a eu les plus grands athlètes. On a eu Michel Jazy, on a eu Colette Besson. J'étais ami avec Bernard Amsalem, il est venu passer ses vacances à Buis-les-Baronnies. J'étais ami avec Philippe Lamblin, l'ancien président, il est venu courir à Buis-les-Baronnies. Et la dernière fois, André Giraud, pardon, Marie-Josée Pérec. Oui, ben on a eu tous les plus grands champions qui étaient possibles et imaginables à Buis. Et puis je rappelle quand même qu'André Giraud, qui nous avait fait le plaisir de parler téléphoniquement il y a quelque temps, a été élu président de la Fédération française d'athlétisme. Gany Yalouze, l'entraîneur national, le DTN, eh bien, est venu souvent à Buis-les-Baronnies, et chaque fois que je le rencontrais, qu'il m'en parlait, il est très mollo dans la voix. Donc c'est vrai que c'était un peu ma passion, et je profitais de mon rôle d'élu aussi pour faire connaître mon village à l'état d'amis, et faire venir des champions, et puis pas que des champions, des amis qui étaient passionnés comme nous, monsieur Fred. Ouais. Oh, écoutez, on est tellement bien. Mounir, pour cette année qui arrive, parce que maintenant, qu'est-ce qui te reste, les Côtes-du-Rhône, le semi-marathon des Côtes-du-Rhône ou le marathon? Il y a le marathon des Côtes-du-Rhône, ben là je lance normalement les inscriptions à partir du mois d'avril. Et c'est la date, c'est le 22 octobre. Très très grosse organisation. L'année dernière, beaucoup souffert la dernière ligne droite, pas dormi pendant un mois. Et là, bon, là j'essaie de travailler avec les institutions pour avoir le feu vert avant de bien me lancer. Mais normalement tout est tout, tout, tout est en route pour que ça se passe bien. Et sinon, ben, je suis partenaire de pas mal d'événements. J'ai partenaire du Trail du Ventoux parce que j'ai ma boutique aussi, Planète Endurance. Le premier semi-marathon des Gorges de la Nesse, qui va être magnifique. Je suis parti le voir. Il est vraiment magnifique. Il va être le 3 juin. Donc voilà, je suis dans un petit peu tout ce qui est événement de course à pied. Et moi, à titre personnel, ben, je suis là, un amoureux de la course à pied, toujours fidèle. Voilà, on est chez Christelle Bardel. Christine Bardel. Alors moi je me confonds depuis tout à l'heure. Je fais quand mais je m'étais retoitisé. Christine, là, vraiment, je suis vraiment désolé. C'est les cigales. C'est la brasserie des cigales. Vous venez à Bulle Baroni, c'est bleu, les fauteuils sont ravissants. Il y a une belle terrasse. On vous accueillera. Christine, qu'est-ce qu'on va dire pour la suite de cette carrière dans 2017? Qu'est-ce que tu as prévu dans ton programme? Premièrement, un petit peu de travail, j'imagine. Un peu de travail au niveau sportif, j'attendais de voir un peu ce que ça donnait à Avignon. Bon, ben, j'ai pas trop de réponses. Donc, moi, après, pas d'objectif de haute performance, continuer à me faire plaisir en courant, continuer à m'entraîner à bout d'Ambuy et ses environs et travailler un peu aussi à la brasserie. Messieurs, un tour de table, c'est l'heure, on va quitter. Didier, dernier mot. Dernier mot. Je pensais que Jean-Yves. Comme l'autre fois, il me branchait sur Mohamed Sarguini, là, tu vas directement, comme il avait oublié son dessin, à chaque fois, il me le répète. Allez, on va rester encore 30 secondes. Donc, effectivement, bravo Mounir pour avoir fait penser au dossard de Mohamed hier. Bravo, vous avez été très bon, contrairement à certains organisateurs. Et je voulais pas le faire, mais puisqu'on m'a forcé. Jean-Pierre, on va intervenir. Non, tout ce même, c'est que j'ai oublié, on a le trail de la Drôme, le 16 avril à Bulle-et-Baroni. On attend 1500 à 1600 coureurs. Alors, amis trailers, venez, parce que c'est un point de vue superbe. On voit le Ventoux, il y a le Saint-Julien. Vous allez prendre un plaisir énorme. Et puis, il y a la qualité, il y a les meilleurs champions qui sont là. Mais on pense aussi aux anonymes. Et j'avais oublié de le dire, et c'était important que je fasse ce rectificatif. Merci, Jean-Pierre. Bien. Voilà, bien, écoutez, cette émission, tout ça, ça fait. On a été très heureux d'être à Bulle-et-Baroni. Merci Christine Bardel de nous avoir accueillis, Mounir d'être venu. Vraiment, on a passé un moment agréable. Vous pourrez retrouver bien sûr cette émission en podcast. On le passera demain encore à la radio, aux alentours de 20h30 en intégralité. Et puis, merci et à très bientôt. Bye bye. Ce programme sportif vous a été offert par le groupe Bélussi, votre spécialiste sanitaire, plomberie, chauffage, présent sur 12 points de vente dans la région. Plus d'infos, www.bélussi.fr.